chacun a bien joué son rôle. Rideau, on t'est dessin, musicien se serre les dents, il est si bien. Pour une fois. À la porte d'un café, son nom vient de s'effacer. On a trouvé quelqu'un de mieux. Le musicien se faisait vieux comme un enfant. Il était une fois. Comme le rideau sur une corde, le musicien monte et descend. Son temps. Où est allé tout ce monde qui avait quelque chose à raconter? On a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter. Plus fort. Où est allé tout ce monde qui avait quelque chose à raconter? On a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter. Où est allé tout ce monde? Didn't die.